pour tout vous dire, personne me connaît. Pour tout vous dire, j'aime pas trop parler. Tous les problèmes, je les résous dans ma tête. Merci pour les conseils, ça en vaut pas la peine. Amoureux de la vie, mais parfois je suis isolé. Jeune, fougueux, j'ai quitté le lycée. Jeune, fougueux, je me suis mis à zoner. Mais je connais mes limites, j'ai peur de Dieu. J'ai donné mon cœur à la hure. J'étais l'épaule de mes frères. J'étais là dans les moments durs. Et si dans les poches j'avais air, je pouvais trouver une affaire. Je pouvais leur pousser le dieu. Et moi, je m'oublie à trop penser aux autres. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. On me l'avait dit. Et si demain on se perd, tu vas retrouver la paix. Mon petit cœur fait des va-et-vient. Que des va-et-vient, c'est la merde. Et si demain on se perd, tu vas retrouver la paix. Mon petit cœur fait des va-et-vient. Que des va-et-vient, c'est la merde. Y'a la cité, y'a le succès. Et je raconte tout l'espèce. J'en monte sur scène, j'ai le sourire. Le petit cœur, il est malade. Y'a la cité, y'a le succès. Et je raconte tout l'espèce. J'en monte sur scène, j'ai le sourire. Quand petit cœur était malade, y'avait galère, t'étais pas hâle. Mais tu connais, j'ai trop d'ego. Si je m'en vais, je reviens pas. La tête est dure comme fer, on j'échange pour son père. C'est comme ça, faut s'y faire. C'est comme ça, faut s'y faire. Dis-moi comment, comment faire. Dis-moi comment me barrer et tout laisser.